Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. De soccer, c'est le tournoi de la Coupe du monde de soccer qui va se mettre en branle demain en Russie, mais on va parler avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer. Salut Benoît! Salut dans le sport, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Benoît, grande nouvelle qui vient de tomber, évidemment, c'est au moment où on enregistre le podcast. C'est confirmé, le Canada, les États-Unis et le Mexique vont s'affronter lors de... pas s'affronter, mais vont organiser la Coupe du monde de soccer. Oui, c'est une grande nouvelle, ça, pour le soccer canadien. C'est sûr qu'on n'aura pas la majorité des matchs. On a parlé d'une dizaine de matchs. Ça veut dire qu'on a parlé des villes de Montréal, de Toronto et la troisième ville m'échappe. Je crois que Vancouver était là au début, mais je crois que ça a changé au fil de la présentation. Mais ça veut dire que quoi, Montréal, on va recevoir 3-4 matchs. Écoute, je pense que c'est la seule façon que le Canada puisse recevoir ce grand tournoi qui a lieu aux 4 ans. Est-ce que le Canada tout seul aurait pu, dans 10-12 stades différents, avec des stades de terrain naturel, un jour pourrait penser présenter ça, mais je crois que non. Déjà qu'il va au niveau de Montréal, on aura des ajustements à faire au niveau du stade olympique, au niveau de la surface, parce qu'à date, c'est, au niveau masculin, c'est des surfaces naturelles qui sont utilisées. Pour le soccer en général au niveau canadien, ça va être très positif. C'est à voir un peu, mais en tout cas, c'est peut-être la seule façon que notre équipe nationale va peut-être pouvoir participer à une phase finale de Coupe du Monde. Puis tu sais qu'on va monter le nombre d'équipes. On va partir de 32 équipes à 48 équipes. Ouais. On a même parlé, j'ai lu sur le web qu'on avait même pensé avancer ce chiffre-là peut-être en 2022 au 14. C'est à voir là, dans le futur là, qu'est-ce que c'est au niveau du nombre d'équipes qui vont participer, mais en 2026 ça sera sûrement rendu à 48 et ça va permettre probablement au Canada de participer enfin à une phase finale de Coupe du Monde. OK, donc ça va peut-être créer le fameux circuit que tu parlais là, une genre de, à l'image de la Ligue canadienne de football, mais de la Ligue canadienne de soccer avec des équipes peut-être à Montréal, Québec, Ottawa, Halifax, on peut peut-être voir ça là. Ben, tu sais, d'aller dans le cahier de charge de la FIFA, je crois que c'est important que le pays qui reçoit une Coupe du Monde doit avoir un championnat national. Et je crois que ce championnat-là devra être créé pour justement montrer que quand on a fait on a présenté le Canada avec les autres pays au niveau de la FIFA, ben on n'a pas le choix de s'en aller vers ce championnat national-là, qui va peut-être être une coche en bas là, de la MLS. Là. OK. Donc, on va y aller maintenant avec l'analyse. On va parler également avec Jean Gounel très prochainement, aujourd'hui. Jean Gounel qui sera l'analyste des matchs de la Coupe du monde de soccer. Donc, allons-y. Donc, avec le groupe A, Arabie Saoudite, Égypte, Russie et Uruguay. Oui, écoute, le groupe A, tu sais qu'en demain à 11h, justement, j'invite les gens à Espoir Soccer Alma à venir nous retrouver. C'est le début de la Coupe du Monde, ça dure un mois. Le premier match, c'est pas nécessairement le grand match qu'on s'attendait à un match d'ouverture entre justement l'Arabie Saoudite et la Russie. Ça va permettre peut-être aux gens de connaître un petit peu plus la sélection de l'Arabie Saoudite. La Russie, ben, c'est le pays hôte. J'imagine qu'on vise. On vise au moins de passer dans la deuxième phase, là, la phase finale, là, dans les huitièmes de finale. Je pense qu'ils vont être capables. Ouais, hein? Dans ce premier groupe-là, écoute, il y a l'Uruguay qui a peut-être une avance sur les quatre autres. On a l'Égypte aussi. Faut penser qu'avec l'Égypte, il y a un gros nom là, qui était blessé, mais qui va être là, Mohamed Salah. C'est quand même un très gros nom là au niveau du football international dans la dernière année. On pensait qu'elle allait pas être présent là au niveau de la saison là avec la finale la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il a été blessé avec Liverpool. Mais je crois que l'Uruguay avec Cavani, avec Suarez. Moi, je les mets premier. Je mets la Russie en deuxième position et l'Égypte en troisième. Et on termine avec l'Arabie Saoudite. Donc, le match là, Russie-Égypte là, devrait être un beau rendez-vous, je crois, là, dans ce groupe-là. Là. OK. Groupe B, Espagne, Maroc, Portugal et République d'Islande. Est-ce que ce qui se passe en Espagne actuellement, parce qu'on va en revenir dans le deuxième bloc avec le sélectionneur qui a été congédié ce matin à quelques heures, est-ce que tu penses que c'est une crise qui va déranger l'Espagne ou au rythme où ceux qui sont là, il n'y a pas de problème? Ben ça, c'est une grosse, une grande nouvelle, ça, quand même. Oui, on va en parler plus en deuxième bloc, là. Mais, Julien Lopetegui, qui était un Espagnol, qui venait d'être annoncé au Real Madrid, je crois, je pensais pas que c'était lui le sélectionneur. J'étais surpris de voir ça, là, de aussi rapidement que ça. On a des prêts d'addition au niveau de la sélection espagnole de lui enlever les commandes de l'équipe à deux jours près du début de la Coupe du Monde. Une drôle de nouvelle. Est-ce que le Real Madrid, on n'aurait pas dû attendre un peu après la Coupe pour annoncer son entrée avec le Real Madrid? Parce que là, je pense que ça doit venir jouer dans le vestiaire et puis au niveau de la sélection, ça doit faire tout un bouleversement un petit peu aussi. Et oui, ça va avoir un grand rendez-vous ça, dès vendredi d'ailleurs là, à l'Espoir Soccer, là, à 14h, le match Espagne-Portugal, ça va déjà être le gros rendez-vous de ce groupe-là. Moi, je pense que ça va être un très bon match. Mais moi, j'ai mis Espagne en premier. Mais là, cette histoire-là, avec le coach qui vient d'être viré, comment ça va se passer avec le Portugal? Le Maroc est troisième et j'ai mis l'Iran, bien entendu, quatrième. Donc, Espagne et Portugal sont grandement favoris. Dans ce groupe-là. OK. Groupe C maintenant. Donc, groupe C, on va y aller avec du côté de la France. La France, le Danemark, l'Australie et le Pérou. Ben moi, j'ai mis la France en premier, bien entendu. Ben oui, mais là, je disais qu'à NK, on ne sait pas, le point d'interrogation, c'est NKB et Paul Pogba. Hein? On ne sait pas comment Pogba il va se présenter. Ben, Pogba, il déçoit beaucoup souvent. Là. Il a déçu que le Manchester United, et quand c'est le temps des grands rendez-vous, c'est peut-être le temps pour lui de montrer son niveau de jeu avec la sélection. Mais on le dit souvent, là, Danny, que l'équipe de France, le problème qu'il peut avoir avec l'équipe de France, c'est de trouver le bon 11 partant, la bonne chimie, qui va faire en sorte que cette équipe-là, on a eu une belle Euro il y a deux ans, en 2016, avec la défaite en finale contre le Portugal. Mais dans ce groupe-là, le Danemark peut être tannant. On a même parlé du Pérou qui peut être surprenant. Le Pérou avait un joueur qui... c'est la dernière équipe sélection qui s'est classée pour la Coupe du Monde. Il y a un joueur là qui avait été pris avec du dopage. Puis la FIFA a réussi. On a réussi à la réintégrer dans le groupe. On l'a accepté. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler ce groupe-là, mais je pense que la France est grandement favori, suivi du Danemark. Donc, pour le groupe C, je pense que c'est pour les huitièmes de finale, la France devrait s'en sortir facilement. OK. Groupe D, Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. L'Islande qui a été le coup de, je me rappelle très bien, l'Euro, ça a été le coup de cœur de beaucoup de monde, un tout petit pays. Est-ce que l'Islande pourrait, ça va être difficile, hein? Je regarde l'Argentine... la Croatie qui est quand même une bonne équipe. Ça va être difficile pour l'Islande de sortir. Hein? Ça va être très difficile pour l'Islande, mais écoute... La Croatie... Oui, ce qu'on a vu à l'Euro quand même, c'était très intéressant de voir l'Islande là, aller au quart de finale contre la France. Et c'est leur première participation à la Coupe du Monde, il faut le mentionner aussi. C'est sûr qu'ils ont la Croatie avec Modric qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real les trois dernières années. L'équipe de la Croatie a une très bonne sélection. L'Argentine, ben, c'est le rendez-vous, probablement le dernier rendez-vous de Lionel Messi. Moi, ce serait mon choix le plus cher que Lionel se rende le plus loin possible et même remporter une Coupe du Monde, une première Coupe du Monde après la défaite qu'ils ont eue en 2014 au Brésil. Moi, je mets l'Argentine premier. Et c'est certain que Islande-Croatie, ça va être un bon match, mais je crois que les Croates devraient terminer deuxième. Et le Nigeria n'est pas à dédaigner non plus, Danny. C'est une équipe qui peut être très physique et puis qui ont des bons joueurs aussi. L'équipe africaine, mais moi, je les mets quatrième dans ce groupe-là. Mais attention aux Islandais, ils sont comme en fin de cycle. Une participation à l'Euro en quart de finale, une première participation à la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de supporters dans le monde qui vont être derrière cette petite nation-là. C'est le fun de les voir là, la Coupe du Monde. Quand tu compares ça au Canada, je crois, le nombre de populations, là, mettons que ça se compare pas beaucoup. Donc, moi, je mets Argentine-Croatie. Et ça va dépendre du match Islande-Croatie dans ce groupe-là. Ça va être intéressant à voir là, dans les prochaines semaines. Groupe E, donc le groupe E qui comprend le Brésil. Le Brésil est là-dedans. Et là, la Serbie, la Suisse et le Costa Rica. Ben écoute, le Brésil est une des équipes favorites, les équipes favorites mondiales avec Neymar. Mais est-ce que le Brésil, rappelle-toi, ça avait été la déconfiture au Brésil en 2014. C'était en 2014, ça, que ça avait été la déconfiture? La déconfiture. Il y avait eu un bon tournoi, puis ça s'est passé en demi-finale contre les Allemands. Les Allemands 7-1. 7-1, mais il faut se rappeler qu'il y avait des bons blessés au niveau du Brésil. On va se rappeler que Neymar, lors de ce match-là, n'y était pas. Et Neymar était le grand joueur du Brésil. Donc, cette année, le Brésil... moi, je les vois faire un très, très beau tournoi. Au niveau de la deuxième position, qui va sortir du groupe? Ben, écoute, en 2014, le Costa Rica, c'était quand même rendu en quart de finale. Ça peut être serré avec la Suisse. Les Suisses, on va se rappeler qu'il y a Djemali qui a joué avec l'Impact, qui est avec la sélection suisse. Il est en milieu de terrain. Ça devrait être intéressant de le voir aussi. Donc, moi, Costa Rica-Suisse, là, ça va se jouer là. La Serbie peut peut-être causer des surprises, mais on pas nécessairement... Il y a quelques bons joueurs, c'est certain, là, qui jouent en Europe dans ce club-là, dans cette sélection-là. Mais moi, je mets Brésil, Costa Rica. Mais ça va dépendre des Suisses. Ça me surprendrait pas que les Suisses puissent aller battre le Costa Rica aussi. Là. Okay. Et le groupe, on est rendu au groupe G. On est rendu au groupe F. Oui, vas-y, Benoît. Avec le groupe F, alors là, on a les Allemands. Les Allemands, c'est les Allemands. Hein. Il y a la République de Corée, les Allemands qui sont encore une grande nation de foot, qui devraient être encore très dangereux là, jusqu'au quart demi, peut-être même les champions, on ne sait pas. Du côté de la deuxième position, donc l'Allemagne en première position, ça c'est certain. Au niveau de la deuxième place, ben écoute, on parle du Mexique bien sûr, mais il faut se rappeler que les Suédois ont quand même éliminé les Italiens lors des matchs de barrage avant les fêtes en décembre dernier. Donc, le Mexique, on sait qu'on a une bonne sélection, mais on ne se rend jamais plus loin que les quarts de finale. C'est dommage un peu, mais en entrée de jeu, on va le voir dès le départ, parce que le premier match de ce groupe-là, ça va être Allemagne-Mexique. Là, je pense que c'est dimanche ou lundi. Ça va être intéressant de voir ça. Moi, je mets Allemagne-Mexique, bien entendu. Mais attention aux Suédois qui, déjà, ont causé une surprise en éliminant les Italiens. Et ça, sans Zlatan, hein, parce que Zlatan, on avait même mentionné que s'il voulait aller au Mondial, il irait. Et ce qu'on a pu lire, c'est qu'il irait, mais en tant que représentant FIFA, là, comme il a pu signer des autographes. OK. Groupe G, Belgique, avec Laurent Simon. Panama, Tunisie, Angleterre. Moi, je vois l'Angleterre. Évidemment, c'est assez facile à voir qui va sortir de là, l'Angleterre et la Belgique. Oui, je pense que Belgique-Angleterre, justement... C'est un énigme pour moi, l'Angleterre. L'Angleterre, Benoît, pourquoi je dis que c'est un énigme? C'est parce que, écoute, c'est eux qui ont avec la Première Ligue, en Espagne, qui ont le meilleur circuit compétitif, puis... Jamais l'Angleterre sur la scène internationale. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'Angleterre performer là, et aller loin. Là. C'est une énigme pour moi. L'Angleterre, les quarts de finale, c'est pas mal là qu'on se rend le plus loin. Huitième quart de finale. Mais là, attention, on a quand même une équipe de la Belgique qui est en fin de cycle. Okay. Avec justement Lukaku qui joue pour le Manchester United, qui est en pointe, en attaque, qui est très dangereux, un marqueur. Me fait penser un peu à Tidor que joue au Toronto, mais d'un niveau encore une coche ou deux plus haute. La Belgique, selon moi, devait terminer premier, mais attention, l'Angleterre, ils ont quand même des bons joueurs. Écoute. Est-ce que Wayne Rooney n'est pas là. Je pense que Wayne Rooney est en fin de carrière. Peut-être qu'on l'attend à MLS là, dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir si ça peut être annoncé. Mais moi, je mets la Belgique, Angleterre, la Tunisie peut-être causer des surprises. Et en dernière place, c'est la première participation, le Panama, qui était dans le groupe CONCACAF, qui a surpris tout le monde en fait, la qualifiant. Donc, avoir l'Angleterre, c'est un bon joueur. Ils ont un bon championnat, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même des joueurs de partout qui sont dans ce championnat-là. Je les vois en deuxième position. Maintenant, huitième quart de finale pour les Anglais dans cette coupe-là. OK. Et le dernier groupe, qui est le groupe... H. H, oui. C'est pas loin que Sénégal, Colombie, Japon. Oui, alors là, écoute, avec lui qui joue Bayern de Munich, là, Robert Lewandowski, attention, les Polonais pourraient être surprenants dans cette Coupe du Monde-là. Eux aussi, ils ont de bons joueurs, ça joue dans les grands championnats en Europe, en Allemagne, beaucoup. Mais l'autre côté, en deuxième, moi je verrai en deuxième position la Colombie avec James Rodriguez, qui James Rodriguez, qui joue avec lui aussi, qui joue avec le Bayern de Munich, qui on va se rappeler de ses performances en 2014 au Brésil. Moi je pense que Pologne, Colombie, Sénégal, Japon sont mes choix là, pour ce groupe H-là. Donc, dans la première phase, la phase des groupes, ça fait le tour des groupes de la phase. Ouais. Hey, il y a toujours le groupe de la mort qu'on appelle. Je regarde ça, il n'y en a pas. C'est quoi le groupe de la mort cette année? On peut dire c'est quoi? C'est on a parlé de. Bien, avec Portugal et Espagne? Ben, le groupe de la mort d'année, c'est quand on arrive avec une troisième nation. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est bien équilibré. Quand tu dis le groupe B, ben, Espagne-Portugal, on s'entend que normalement, ça devrait être ces deux-là qui sortent. Mais dans le groupe de la mort, ce que j'ai pu lire, ce serait le groupe D, parce que tu as l'Argentine, les Islandais qui sont surprenants, et les Croates qui sont tannants aussi. Donc, c'est le groupe qu'on a comme mis en avant sur les autres un petit peu par rapport à... au terme qu'on a toujours dit au niveau de la FIFA, le groupe de la mort. OK. Benoît, on va faire une pause et on va revenir en détail, plus en détail, sur la nouvelle importante aujourd'hui. L'Espagne qui congédie son sélectionneur à 24 heures du début de la Coupe du Monde. Vous écoutez une entrevue avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com sur les ondes de DanRadioSport.com. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au regatdesaintfélicien.com. On est de retour à DanRadioSport.com. Benoît, pour finir avec la Coupe du Monde, qui tu vois en grande finale dans ta boule de cristal? Dans ma boule de cristal, dans mes préférences, je vais parler de mes préférences, parce que j'ai fait le pool de la FIFA, justement, sur le site Internet, là, puis c'est bien fait, en passant, tu cliques, ça se place, les sélections se placent toutes seules, et en passant, j'ai le pool Espace Soccer, s'il y a des gens intéressés, ça coûte 5$ et on remet la bourse au gagnant à la fin, qui existe depuis 2006. Moi, je vois l'équipe de France, c'est mes favoris, c'est mon coup de cœur au niveau du soccer. Mais étant donné que je suis Messi depuis quelques années, de plus en plus, j'aime beaucoup Lionel Messi. Mon grand souhait serait une France, parce que je vais être dans le stade à Moscou le 15 juillet. Ce serait de voir une finale France-Argentine. Je serais déchiré un peu à savoir pour qui que je prendrais à ce moment-là. Mais une finale France-Argentine, j'aimerais beaucoup. Je mets mes troisièmes favoris dans le pool que j'avais justement fait. J'arrivais avec une demi-finale France-Brésil et de l'autre côté, on avait Argentine-Allemagne. Alors ça, c'est peut-être un des deux matchs que je vais peut-être assister. Alors ça, c'est bien entendu, c'est si les sélections terminent premier ou deuxième de leur groupe pour arriver avec un coup comme ça, tu sais. Mais après ça, ben, t'as des quarts de finale intéressants. J'arrivais avec un Espagne-Argentine en quart de finale, un Allemagne-Angleterre en quart de finale, un Brésil-Belgique aussi. On sait que les Belges sont une sélection intéressante. Et j'avais Portugal-France, le remake de 2016 de l'Euro avec Ronaldo. On n'a pas parlé de Ronaldo qui pourrait créer une surprise aussi parce que les Portugais sont quand même gonflés à bloc suite à la victoire de l'Euro en 2016. Donc, eux aussi sont en fin de cycle. Quand on dit en fin de cycle, c'est qu'il y a les vétérans, il y a des grands stars qui sont comme dans leur fin de parcours international. Donc, et par la suite, bon, on s'en va dans la relève. On a eu un match justement avec les Italiens là, dans les matchs amicaux. On voit que les Italiens ont de nouveaux jeunes, de nouvelles sélections qui s'en vient pour le futur. Un peu comme les Américains qui ont joué un match contre la France cette semaine, un match amical. Moi, j'ai voulu l'écouter ce match-là. Ils ont fait un... Oui. Ils ont fait un match nul de 1-1 et tu peux voir que les joueurs de l'équipe américaine, c'est tous des jeunes. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en MLS. Donc, pour le futur, c'est intéressant de voir arriver ça. Ah, j'ai hâte de voir les retombées sur la MLS. J'ai hâte de voir. Écoute, là, il va y avoir un buzz, puis je vais en parler avec Jean Gounel. Il va y avoir un buzz, certainement, cette nouvelle-là. Là. C'est pour le soccer, la MLS et tout ça, ça va être vraiment. Écoute, la MLS est considérée comme le 6e ou 7e circuit majeur calibre. Puis je pense qu'il va faire un bon encore. Ben, on va souhaiter, puis ça, c'est pour les partisans, pour les fans au niveau nord-américain. Il y a beaucoup de travail à faire encore aux États-Unis. C'est là que ça se passe. Au niveau canadien, ça se passe très bien. Je crois qu'on a du travail à faire pour l'équipe nationale, d'envoyer des joueurs qui performent peut-être au niveau de la subvention internationale. Mais pour revenir à la Coupe, je prévois une finale France-Argentine. Ça sera mon choix. Oh, France-Argentine. Hey, Benoît, je t'ai gardé pour un deuxième bloc pour nous parler de la nouvelle qui est sortie ce matin. On en a parlé dans le premier bloc. Le sélectionneur espagnol Julen Lopetegui a été remercié par l'équipe d'Espagne. Je sais pas, là, l'Espagne qui est quand même une des puissances à 24 heures du... C'est drôle de décision, hein? Drôle de décision. Ben c'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils sont allés aussi vite avec, avec l'annonce du Real Madrid. Ben oui! Comment ça se fait que ça démontre déjà, donc ça démontre des histoires au niveau de la sélection espagnole avec les clubs espagnols qui dominent les clubs espagnols qui dominent la planète foot depuis quelques années avec le Barça puis le Real Madrid. On aurait dû vraiment attendre avant d'annoncer ce Quelle décision bizarre aussi. Qu'est-ce que ça cache au niveau espagnol? Alors l'équipe de la Roja, qui d'après moi là, ça va être en entrée de jeu, qui vont jouer contre le Portugal vendredi, ça peut faire mal justement pour la Coupe du Monde. Alors que les Espagnols ont une très très belle sélection, ils peuvent être dangereux dans cette Coupe du Monde là. Ils ont plusieurs joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions. C'est une nouvelle qui m'a surpris et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. L'Impact qui termine ce soir sa pause Coupe du Monde, il va avoir une pause Coupe du Monde, il va affronter Orlando. Donc par la suite, ben, on espère évidemment que la fenêtre de transfert s'en vient à grands pas. Ça va être intéressant à suivre. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Un gros, gros merci encore une fois. Good job. On se parle, on va accélérer évidemment une fois par semaine, peut-être même deux fois par semaine. Et tu seras là-bas à la Coupe du monde de soccer, à la grande finale. Donc, tu vas être là-bas pour nous dire un peu qu'est-ce qui se passe, l'ambiance, les gars. Yes, merci beaucoup, Danny. Puis, on va souhaiter une belle Coupe du monde. Puis, si les gens veulent venir faire un tour à l'EspaceSoccer, oui. À 8h le matin, à 11h, venir un petit déjeuner, à 11h et à 14h. Ben c'est ton party, toi, là. C'est ton... Et je me rappelle, moi, de l'Euro, il y a 2 ans, j'en avais tombé sur le derrière en plein mardi après-midi du mois de juillet. C'était pacté. Donc, c'est vraiment... Oui. C'était, donc, j'imagine qu'on on risque de revoir ça peut-être avec la France, tu sais. Oui, oui, c'est ça. J'aimerais bien voir la France se rendre loin dans la Coupe. Oui, oui. Michel Tifot, je pense, va faire ton émission. C'est quand qu'il va faire l'émission, Michel? Michel vient faire l'émission vendredi pour le match, après le match Espagne-Portugal. Bon, peut-être on va peut-être aller faire un tour pour voir serrer la pince, Michel. On se reparle bientôt, Benoît. Salut, Danny, merci. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au Saint-Saint.